man est une forteresse inexpugnable. À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir. Écoutez. Avec la même grâce. Vous êtes sur France Culture. La radio. France Culture. Le feu teinte dans les cloches. Vous écoutez. Et la parole. France Culture. La radio. La clé des nuits légères enchaînées au cœur des Vous écoutez France Culture. Vous écoutez France Culture. Vivez avec France Culture. Éloge du savoir. Aujourd'hui, le Collège de France. Nous reprenons l'écoute du cours que Pierre Rosanvallon, titulaire de la chaire d'histoire moderne et contemporaine du politique au Collège de France, consacre cette année à la démocratie du XXIe siècle, les voies nouvelles de la souveraineté du peuple. Ce cours se propose d'interroger et de sonder des formes de pratiques démocratiques expérimentées dans l'histoire et qui restituent au peuple sa souveraineté. Dans les cours que nous avons suivis du 10 au 14 avril dernier, Pierre Rosanvallon distinguait plusieurs terrains sur lesquels s'exerçait la souveraineté populaire. Il a commencé d'explorer avec nous la première de ces pratiques populaires de la démocratie, le pouvoir de surveillance qu'exerce le peuple sur ses gouvernants. Il en a repris les points d'articulation et fait l'histoire de ses conditions de possibilité. Il a également fait état des nouveaux modes de contrôle du pouvoir. Il s'agit donc ici, pour Pierre Rosanvallon, de ressaisir et de penser ensemble des forces et des formes disparates et dispersées dans le temps et dans l'espace. De faire en quelque sorte l'état des lieux de ce qui permet et a permis au peuple de démocratiser le pouvoir. Comme l'expliquait Pierre Rosanvallon dans sa leçon inaugurale, l'histoire ne consiste pas seulement à apprécier le poids des héritages, à éclairer platement le présent par le passé, elle vise à faire revivre la succession des présents comme autant d'expériences qui informent la nôtre. Contre l'idée d'une défaite de la démocratie, d'une désaffection possible à son égard, ce cours se propose de redécouvrir d'anciennes pratiques de souveraineté populaire et, singulièrement ici, de surveillance activement démocratique qui ont fait leurs preuves. Il s'agit également d'en inventer de nouvelles pour remettre en marche ce qu'est pour Pierre Rosanvallon la démocratie elle-même, une perpétuelle remise en cause, une perpétuelle mise en mouvement. La multiplication dans le monde contemporain des pouvoirs de surveillance a en effet pour conséquence décisive d'entraîner ce qu'on pourrait appeler une concurrence des démocraties. Le système représentatif électif est en effet confronté très directement à l'activité de diverses formes de contre-démocratie. C'est une concurrence en termes de fonction. Contrôle parlementaire versus contrôle d'autorité indépendante, par exemple. Mais c'est aussi une concurrence entre catégories d'agents, entre représentants, associations militantes et médias, notamment. Se développent de la sorte des conflits de représentativité et des conflits de légitimité. La tension entre les pouvoirs institués et les médias, la tension entre les députés et les journalistes, pour résumer, en constitue un bon exemple. Elle n'est d'ailleurs pas nouvelle. Reprendre son histoire peut pour cela nous éclairer sur les termes de cette concurrence des démocraties. Si le peuple est l'opinion publique, comme on le disait en 1789, la question de sa représentation apparaît du même coup susceptible d'être conflictuelle. D'un côté, en effet, le peuple électeur est représenté par ceux qui ont été désignés par les urnes. Mais de l'autre côté, son double, le double de ce peuple électeur, le peuple opinion, est lui exprimé, au moins partiellement, par les organes de cette opinion. D'où la concurrence potentielle entre les figures du député et du journaliste. La Révolution française a constitué à cet égard un extraordinaire terrain d'expérience permettant de saisir au plus profond les ressorts de cette concurrence entre la plume et la tribune. En 1789, les Français prennent en effet la parole et la plume en même temps. Ils prennent la parole et la plume en même temps aussi qu'ils prennent la Bastille. Ils attachent ainsi autant d'importance au nouveau pouvoir de la liberté de s'exprimer qu'à celui de désigner leurs représentants. Le journal s'impose dans ces conditions comme une véritable institution politique chargée d'observer, de censurer, de dénoncer les titres mêmes de nombreux journaux résument leurs intentions. On parle, l'un s'appelle la sentinelle du peuple, le dénonciateur, le censeur patriote, le furet parisien, le rôdeur français. Il y a une très belle histoire de la presse dans les débuts de la Révolution qui est due à Claude Labrosse et Pierre Rétat, naissance du journal révolutionnaire, qui fait la longue liste de tous ces titres, qui montre cette obsession de dire la surveillance. La mémoire du Junius anglais, le grand dénonciateur anonyme des pouvoirs dans l'Angleterre de la fin du XVIIIe siècle, est aussi très largement honorée dans les débuts de la Révolution. La première publication de Marat prend ainsi pour titre le Junius français, tandis que Bonneville, celui qui a lancé son tribun du peuple, va se réclamer de ceux qu'il appelle les avertisseurs publics de l'Angleterre. Voilà le rôle du journaliste, être un avertisseur public. Les proclamations de foi de toutes ces plumes, qu'elles soient modestes ou célèbres, sont sur ce point étonnamment répétitives. Quelques citations de personnages plus connus suffisent en résumer l'esprit. Camille Desmoulins, celui qui dirige d'abord les révolutions de France et de Brabant, avant d'être actif plus tard en publiant Le Vieux Cordelier, écrira qu'il faut, par le journal, former un empire sensoriel de l'opinion publique. Et il va célébrer le journaliste comme celui qui tient l'album du censeur. Dans son Patriote français, Brissot soulignera de son côté que la liberté de la presse est le seul moyen pour le peuple de surveiller, d'éclairer, de censurer ses représentants. Le Patriote français de Brissot portera en épigraphe cette phrase « Une gazette libre est une sentinelle qui veille sans cesse pour le peuple ». Le journaliste, dans cette perspective, change du même coup de statut. Il est d'ailleurs significatif que ceux qui publient les journaux publient en même temps de nombreuses réflexions sur le rôle social et politique du journaliste. Le journaliste n'est plus dans ces conditions, comme par le passé, le modeste plumitif des lettres ou le serviteur salarié de puissants commanditaires. Le journaliste va, dans cette période, s'imposer comme une figure politique centrale, intouchable et, pourrais-je dire, presque sacrée. Il va devenir une véritable institution. Et Camille Desmoulins est celui qui, sans conteste, a le mieux théorisé ce nouveau rôle. Aujourd'hui, écrit-il, les journalistes exercent le véritable ministère public. Ils remplissent une véritable magistrature. Et dans une page célèbre de son Histoire de la Révolution française, Michelet soulignera que le journaliste, pendant cette période, s'est imposé, je le cite, comme une fonction publique. Le journaliste n'est donc pas simplement l'organe de la liberté d'expression. Il remplit une fonction publique et politique. Il exerce une tâche de représentation. Il détient une part de souveraineté. Les journalistes concurrencent de cette façon les représentants élus, d'abord en exprimant jour après jour les attentes de la société. C'est Marat qui un jour écrira Goguenard en parlant, s'adressant aux représentants de la Commune de Paris, « Je suis moi l'œil du peuple, vous n'en êtes vous que le plus petit doigt. » Camille Desmoulins présentera également à de nombreuses reprises le journaliste comme le vrai rival du député, proclamant même sa supériorité sur ce dernier. Le pouvoir propre de ces journalistes, il est celui de la surveillance. Avec ce mot-clé de la langue révolutionnaire, ce sont bien les antiques fonctions des censeurs, des efforts ou des eutines auxquelles nombre de contemporains veulent en effet donner une consistance directe. Pouvoir qui a consistance sans avoir besoin d'un support institutionnel spécifique. Le pouvoir de surveillance exercé par les journaux est bien dans ce cas compris comme étant un pouvoir de type démocratique. C'est donc une forme de souveraineté politique sous les espèces d'une sorte d'institution invisible qu'ils exercent. Ils ne sont pas simplement, ces journaux, le moyen de faire vivre une liberté. Ils organisent la présence, la communauté, note un auteur, sans présence visible. Et un journaliste important de l'époque, un étranger, Anacazis Klotz, va jusqu'à écrire « La presse sans entrave, d'où tient lieu maintenant de sénat de veto et de tout l'échafaudage anglican ». La presse est donc bien une institution politique. Mais les problèmes de fond que pose la dualité de souveraineté qui en découle ne sont cependant pas traités au fond pendant cette période révolutionnaire. La dualité démocratique entre pouvoir institué de surveillance de la presse et pouvoir représentatif apparaît alors indissociablement comme un moyen d'accroître l'activité civique générale et de réguler le système représentatif. Mais c'est une vision politique qui n'est pas alors juridiquement construite. La cohabitation d'un pouvoir élu et d'une presse qui se conçoit comme une institution politique est alors simplement resituée par les contemporains dans un mouvement d'ensemble qui semble superposer efficacement leurs deux efforts politiques. S'il est peu sensible pendant les périodes révolutionnaires, autant que dans les contextes où les droits politiques restent à conquérir, comme les périodes de suffrage censitaire, la concurrence potentielle des légitimités qui découle de cette dualité se manifeste en revanche ouvertement dès lors que le régime du suffrage universel s'est imposé de façon stable. La période du Second Empire en France constitue pour cela un laboratoire exemplaire de ce nouveau cadre du problème. Il a en effet d'autant plus radicalisé les termes de cette tension entre les deux légitimités que le régime a prétendu faire de son illibéralisme la conséquence de son attention sourcilleuse à la souveraineté des urnes. Je le rappelle que le coup d'État du 2 décembre 1851, en même temps qu'il met à bas la République, restaure immédiatement le suffrage universel, qui avait été mis à mal par une loi de 1850, qui à travers divers dispositifs techniques, et notamment une loi, une contrainte assez forte de domicile, avait soustrait des inscrits environ 4 millions de personnes. L'argument des bonapartistes pour justifier les restrictions mises à la liberté de la presse était en effet de dire que la presse n'avait aucune légitimité démocratique, car elle n'était pas une puissance de type représentative. Un des principaux idéologues du régime, Granier de Cassagnac, a longuement développé cet argument. Le principal caractère de l'influence de la presse, souligne-t-il, c'est de manquer totalement de délégation. À l'inverse de tous les pouvoirs réguliers, dont le moindre a sa racine et sa délégation dans la loi constitutionnelle, la presse est un pouvoir spontané, un pouvoir volontaire qui ne relève que de lui-même, de ses intérêts, de ses caprices ou de ses ambitions. Le nombre des pouvoirs publics est limité, le nombre de journaux ne l'est pas. Les attributions des pouvoirs publics sont définies, les attributions de la presse n'en comptent à elles ni règles ni mesures. La presse, selon une autre de ses expressions particulièrement frappantes, est d'être la rivale des pouvoirs publics, alors même, dit-il, qu'elle ne supporte aucune contrainte de légitimité et de représentativité. Si la presse n'était pas contenue, argumente-t-il, elle serait, elle deviendrait une complète et une flagrante usurpation des pouvoirs publics. Sans avoir le droit d'élire, souligne-t-il, la presse cherche à diriger les élections. Sans avoir le droit de figurer dans les corps délibérants, elle cherche à influencer les délibérations. Sans avoir le droit de siéger dans les conseils du souverain, elle cherche à provoquer ou à prévenir les actes du gouvernement. En un mot, la presse cherche à substituer son action à l'action de tous les pouvoirs établis et légaux, sans être en réalité investie d'aucun droit. La presse, dit-il encore, a pour caractéristique d'être un pouvoir politique immense et nouveau, qui est indépendant de tous les autres. C'est une autorité rivale des pouvoirs publics, mais qui ne subit jamais aucune épreuve de légitimation. Les journaux sont ainsi appréhendés dans cette perspective, selon son expression, comme des centaines de petits États au milieu de l'État. Le journaliste intervient avec sa conscience ou ses intérêts personnels comme seul mandat. Il n'est élu par personne alors qu'il incarne un véritable pouvoir social. Voilà le problème pour Granier-Tassagnac. Le journal est une institution privée qui joue un rôle de fonction publique. Le journal, une institution privée, les bonapartistes se faisaient, sur ce point, les dénonciateurs implacables du journal comme structure capitaliste. Granier-Tassagnac donnait d'ailleurs du journal une définition assez intéressante que n'auraient pas renié certains modernes pourfendeurs des médias. Un journal, dit-il, c'est une société de capitalistes qui groupe autour d'elle un certain nombre de talents autoproclamés. La conclusion s'imposait donc logiquement pour lui. Les journaux qui ne représentent que des intérêts partiels, des intérêts privés, doivent être subordonnés à l'intérêt général. Ils n'ont pas à se substituer au suffrage universel pour exprimer l'opinion publique comme puissance de la généralité. Un autre auteur de l'époque disait « Pour être député, il faut être l'élu des électeurs. » Le journaliste, quant à lui, s'investit lui-même de son ministère redoutable. À défaut de concevoir une impossible élection des journalistes, il faut donc, disait Granier-Tassagnac, les contrôler, leur opposer la parole des élus, qui sont, ces élus, les seuls à être supposés exprimer adéquatement la volonté générale, puisqu'ils sont issus d'elle. Cette conception de la presse aura de nombreuses conséquences sous le Second Empire. Je ne veux pas les développer. Une des premières conséquences sera bien sûr, jusqu'à 1868 au moins en tout cas, un régime extrêmement contrôlé, surveillé et limité de la liberté de la presse. Mais d'autre part, cela avait également des conséquences sur la façon même dont la presse était censée pouvoir rendre compte des débats parlementaires. La presse se voyait interdire de publier des extraits des débats parlementaires. Elle était obligée soit de ne parler d'aucun débat, soit dès qu'elle commençait à parler d'un débat, de le publier intégralement. L'explication était simple, c'était de dire si la presse publie des extraits d'un débat parlementaire, à ce moment-là, à sa façon, elle fait un montage. À sa façon, elle va recomposer le débat. À sa façon donc, elle va le fausser. La presse, dans ce cas-là, va donc être un agent de remise en forme des débats et de la volonté collective. Et donc, il faut choisir ou ne rien publier ou tout publier. Et comme les débats parlementaires étaient souvent très longs et que les journaux n'étaient pas très volumineux à l'époque, eh bien, très souvent, il faisait le choix de ne rien publier. Granier-Tassagnac aura même l'idée de lancer un moment un journal officiel à bon marché qui serait le seul apte, en quelque sorte, à répercuter la parole publique, parce que ce serait un journal directement issu de la volonté nationale, du pouvoir représentatif. Avant même qu'existe la Pravda ou les Izvestia, il y avait donc des théoriciens de la chose dans la France du Second Empire. Ce qui est en cause dans ce cas, c'est la conception de la notion de public qu'il y a dans cette vision césarienne du politique. Le public, pour le dire d'un mot, et je vais le développer, n'est jamais compris comme l'espace en travail de l'interaction et de la réflexion entre les groupes et les individus. Le public n'est appréhendé dans cette perspective que sous les espèces figées de l'institution légale. Les républicains français, ils n'auront pas de mots assez durs pour stigmatiser le règne de Napoléon III, on le sait. Mais s'ils s'insurgent contre les multiples atteintes aux libertés que commet le régime, ils s'avèrent en même temps impuissants à le critiquer d'un point de vue strictement démocratique. Le coup de force initial du 2 décembre suffit à leurs yeux à disqualifier le Second Empire et les dispense d'une véritable argumentation juridique et philosophique pour démonter la formule du césarisme. Ils en restent au fond à une simple dénonciation libérale de ces méfaits. Ils sont, du même coup, aveugles aux racines profondes du mal. Or, le problème est bien que Napoléon III n'avait fait que radicaliser une certaine vision jacobine du monisme démocratique. Il avait tiré, pourrait-on dire, les conclusions ultimes de son antipluralisme. Les républicains, ils se sortiront pratiquement de cette difficulté en prônant une version modérée et affadie de ce jacobinisme. Ils le tempéreront d'anciennes prudences aristocratiques, héritées de l'orléanisme, et ils le matineront d'un libéralisme prudentiel. C'est l'esprit de la Constitution de 1875. Elle va reprendre toute une vision des notables, toute une vision des élites, toute une vision du gouvernement représentatif qui sera beaucoup plus proche de John Stuart Mill que de la vision de Rousseau. Mais en même temps que cet arrangement constitutionnel mettra en place une pratique prudentielle, il ne donnera pas la clé intellectuelle de compréhension de ce qu'avaient été les errements du Second Empire. Cette formule de compromis, elle définira les conditions d'un équilibre pragmatique, mais sans pour autant lui donner de véritables fondements intellectuels. D'où, à mon sens, le fait qu'un certain illibéralisme refasse régulièrement surface en France. S'il ne se manifeste certes pas, en termes pratiques, sur l'ancien mode césarien, il en conserve en revanche, idéologiquement, une certaine prétention à délégitimer toutes les expressions de la société qui n'ont pas été consacrées par les urnes. C'est de là que procède la vieille méfiance devant le fait associatif, autant que le refus de reconnaître une forme de légitimité politique aux interventions d'une société civile qui est toujours ramenée aux limites de ses particularités. Ce qui est accepté comme une liberté est du même coup refusé comme une institution. Du statut restrictif des associations aux modalités des droits de pétition ou de manifestation, c'est au XIXe siècle la même vision étroitement légale de la démocratie qui s'est affirmée. Je rappelle que sous la Troisième République, le droit de pétition était un droit constitutionnalisé, au temps de la monarchie parlementaire. Il était constitutionnalisé également pendant la Révolution. Qu'un droit soit constitutionnalisé, cela signifiait qu'il y avait une commission des pétitions au Parlement et que cette commission des pétitions devait débattre des pétitions et devait apporter une réponse à ces pétitions. Donc la pétition est un droit constitutionnel. Avec la Troisième République, la pétition deviendra simplement un droit individuel. La pétition va devenir une liberté qu'a le citoyen, de même qu'il a la liberté de s'exprimer, il a la liberté de s'adresser à ses représentants, il a la liberté d'envoyer une protestation collective. Mais elle ne s'inscrit plus dans une procédure qui est constitutionnalisée. Ce sera la même chose pour la manifestation. Il n'y aura pas de droit accepté de la manifestation sous la Troisième République. La manifestation sera conçue comme l'exercice accepté et toléré d'une liberté, mais la manifestation ne sera pas conçue comme un droit. Car si la manifestation est un droit, cela signifierait qu'il y a des modalités d'appropriation de la voie publique par des groupes particuliers et privés. La voie publique est simplement, disait Clémenceau, un espace de circulation. La voie publique, circuler, il n'y a plus rien à voir, c'est certain. La voie publique n'est pas un espace que l'on peut s'approprier. De même que les murs des villes ne sont pas des espaces que l'on peut s'approprier, et vous savez quelle est la rigidité toujours existante de la législation sur les conditions de l'affichage public et sur les couleurs de l'affiche, les affiches blanches avec une écriture noire étant l'apanage toujours de l'affichage public et officiel, nul ne pouvant prendre ce papier blanc et cette impression noire. Autant dire, dans ce contexte, que les pouvoirs de surveillance ne saurait être reconnu comme pouvoir démocratique dans ce cadre jacobin. Dans la perspective qui est intellectuellement convergente du décisionnisme, il se trouve ces pouvoirs de surveillance également disqualifiés. Je suis frappé à cet égard du parallèle que l'on peut justement faire entre la littérature jacobine radicale, disons, et la littérature décisionniste. Je prends comme témoin de cette littérature décisionniste le grand juriste allemand Carl Schmitt. Dans des pages qui comptent parmi les plus vigoureuses de son œuvre, Carl Schmitt, dans l'entre-deux-guerres, s'est attaché à dénoncer avec virulence le concept de surveillance, Aufsicht en allemand, comme, dit-il, un contre-concept qui s'oppose de fait au type de guidance politique, Führertum, en allemand, qu'il appelait de ses vœux et qui doit définir seul le pouvoir souverain. C'est sur la base de cet argument que Carl Schmitt portait ses coups les plus forts à la constitution de Weimar et qu'il exhortait les Allemands à faire reculer les prétentions de ce qu'il appelait les puissances indirectes ONI. Lorsque j'ai présenté les pouvoirs de surveillance, j'ai fait le parallèle avec cette idée du gouvernement indirect chez Rousseau, avec cette idée de la potestas indirecta qu'il y a dans la théologie politique de la Renaissance et du début de la période moderne. Ce que refuse la vision décisionniste est justement ce caractère indirect. On lui oppose, au contraire, la seule volonté immédiate, unique, indivisible de la guidance politique, pour reprendre cette expression très significative, cette traduction significative de l'allemand Führertum. Pour Carl Schmitt aussi, la souveraineté ne peut donc être exprimée que sur un mode indivisible et un. Le développement des pouvoirs de surveillance à l'aube du XXIe siècle invite donc à rouvrir intellectuellement ce dossier de la légitimité. Si l'on ne veut pas en rester à ces visions jacobines et décisionnistes dont on sent bien qu'elles sont en porte-à-faux avec l'expérience contemporaine. Si je ne peux ici songer à traiter de façon développée cette question, je peux au moins proposer d'ébaucher une esquisse sommaire du cadre dans lequel peut être reconsidérée cette question de la légitimité à l'âge des pouvoirs de surveillance. Comment aborder cette question de la légitimité des pouvoirs de surveillance? Notons tout d'abord qu'une organisation ou une association quelconque de la société civile bénéficie, je pourrais dire, ex functio, d'une légitimité d'expérience par les contributions pratiques qu'elle peut apporter dans son domaine d'intervention. Une association caritative a une légitimité d'expérience si elle parle des questions de l'exclusion. La Fondation pour le logement Emmaüs a une légitimité d'expérience quand elle parle des problèmes du mal-logement. On peut aussi parler à ce propos d'une légitimité utilité. Ces associations, ces organisations ont une action qui est généralement bien reconnue sur ce mode. Mais il y a très loin d'une légitimité sociale de cette sorte, qui est, disons, d'ordre moral ou fonctionnel, à une légitimité proprement politique. Ce sont en effet, dans le cas de la légitimité politique, des qualités différentes qui sont concernées, et au premier chef, une qualité de généralité. Pour avancer dans notre réflexion sur la possibilité de reconnaître une légitimité de type politique au pouvoir indirect, il était ainsi préalablement nécessaire d'approfondir cette catégorie de généralité. On peut très schématiquement distinguer trois espèces sous lesquelles l'idée de généralité peut se manifester. La généralité peut exister matériellement comme nombre, elle peut exister comme indépendance, ou elle peut exister comme universalisme moral. Et il y a des types spécifiques d'institutionnalisation qui vont être liés à chacune de ces dimensions. La généralité comme nombre, c'est celle qui s'impose avec le plus d'évidence dans l'ordre démocratique, est ainsi considérée comme légitime un régime qui a l'assentiment express d'une majorité de la population, cette majorité étant pragmatiquement assimilée par convention à une forme d'accord unanime, l'accord unanime qui en principe est supérieur. Le principe d'unanimité serait au fond le seul principe du nombre parfaitement légitime, mais on peut dire qu'il y a eu historiquement un accord unanime des hommes pour faire du principe de majorité le principe pratiquement organisateur de leur système politique. Le suffrage universel est donc l'institution organisatrice de cette légitimité du nombre. Et on peut parler dans ce cas d'une légitimité que j'appellerai sociale procédurale. La légitimité comme indépendance définit une généralité qui va être essentiellement appréhendée de façon négative. Une généralité qui va être définie comme la non-particularité. Les corps définis par leur impartialité, l'impartialité, c'est-à-dire par leur égale distance avec toutes les parties possibles, prenantes au débat ou au conflit, les corps définis donc par leur impartialité vont être les institutions adaptées à leur mise en œuvre. Ce peut notamment être le fait de cours de justice ou d'autorités indépendantes. Notons la différence avec la légitimation du nom du suffrage universel. Alors que le suffrage universel établit un régime dont tous les citoyens sont propriétaires, garantissant en principe que le pouvoir ne peut être approprié de façon privative, il s'agit, dans le deuxième cas, de conjurer la privatisation, mais sur un autre mode. On va établir une institution dont aucun groupe ne peut se déclarer propriétaire. Dans un cas, l'universel est réalisé par la généralisation de la participation et de l'implication. Dans l'autre cas, l'universel va être réalisé par la distance égale de tous à ce pouvoir. C'est, au sens fort du terme, ce qu'on peut appeler une légitimité par impartialité. Une légitimité à distance de toutes les parties. La troisième catégorie de généralité, celle qui est liée à un universel moral, correspond à l'affirmation de valeurs qui sont reconnues par tous. Elle peut également être définie par un universel de type cognitif. L'universel de type cognitif, c'est celui de la raison. Ou encore, par un universel de type instrumental, c'est celui qui exprime le droit. Donc, dans cette troisième catégorie de généralité, on peut concevoir dans les mêmes termes universel moral, universel cognitif, universel instrumental. Ce sont trois façons différentes de le décliner. Les institutions qui vont exprimer ces dernières formes de généralité peuvent être multiples, selon la façon dont on appréhende les choses. Elles peuvent aller d'autorité morale socialement reconnue. Regardons dans notre société le rôle d'un certain nombre de personnalités emblématiques, d'institutions religieuses, d'associations caritatives, ou bien à des autorités de nature plus intellectuelle et plus scientifique. On peut parler, dans ce troisième cas, d'une légitimité substantielle. Reprenons donc pour que les choses soient bien claires. Ces trois types de légitimité. Tout d'abord, une légitimité sociale procédurale. Cette légitimité sociale et procédurale correspond à une forme de majorité qui est celle, à une forme de généralité qui est celle de la majorité. La majorité équivalente d'unanimité, et l'institution de mise en œuvre va être le suffrage universel. Deuxième type de légitimité, la légitimité par impartialité. La généralité auquel elle correspond est celle d'une distance égale vis-à-vis de toutes les parties impliquées. Et son institution de mise en œuvre, eh bien, ce sont les cours de justice ou les autorités indépendantes. La légitimité de type substantiel, la troisième forme de légitimité, elle correspond à un universalisme des valeurs ou de la raison, c'est cela la généralité qui la qualifie, et les institutions qui la mettent en œuvre sont des institutions sociales ou intellectuelles diverses. Cette typologie entre les trois types de légitimité ne décrit pas seulement des formes de légitimité, elle correspond également à une histoire. La légitimité substantielle est la plus ancienne. Elle a exprimé dès l'origine des sociétés humaines, elle s'est exprimée dès l'origine des sociétés humaines par le fait de l'encastrement des pouvoirs dans un ordre plus large du sacré. Et elle sait cette légitimité substantielle progressivement sécularisée avec ce moment décisif de rupture qui était celui du XVIIe siècle avec l'introduction des théories du droit naturel. Aujourd'hui, elle va se manifester de façon, en tout cas dans la plupart des cas, pas dans tous, de manière beaucoup plus sécularisée sous de multiples espèces, référence aux droits de l'homme, à des philosophies de la justice ou à des morales. La vision d'une légitimité par impartialité, elle s'impose de son côté dans les approches médiévales du pouvoir. Le pouvoir médiéval va en effet être essentiellement défini par la fonction de justice. Cette fonction de justice, elle va définir intellectuellement et pratiquement la construction des États modernes. Pratiquement, parce que l'État moderne va être l'agrandissement de l'idée de puissance judiciaire d'appel. Et pratiquement, parce que c'est la construction de ces cours qui va être théorisée par les grands légistes. Si on voit en France, par exemple, les légistes autour de Philippe le Bel. Mais cette vision d'une légitimité par impartialité, en même temps qu'elle correspond à la construction réelle du début des formations politiques modernes, elle est également le type de légitimité qui est intellectuellement, et je pourrais presque dire spirituellement valorisée. Si vous regardez la fameuse fresque sur le bon gouvernement qu'il y a dans la salle du conseil de Sienne, eh bien on voit que ce gouvernement, il est justement essentiellement défini par le fait qu'il ait le pouvoir qualifié de juste. C'est l'exercice de la justice qui définit d'abord ce pouvoir. Donc, un deuxième type de légitimité qui correspond aussi à une étape et une forme de l'histoire des pouvoirs. Cette vision s'est ensuite, pourrait-on dire, rationalisée sous les espèces de l'état de droit moderne, et elle s'est ensuite déployée, plus tardivement, sous les traits des multiples formes d'autorité indépendante que nous connaissons actuellement. On peut d'ailleurs noter à ce propos une chose très importante, c'est que le terme même de légitimité a fait son apparition dans la langue politique française, parce que jusqu'au début du XIXe siècle, le terme de légitimité n'a pas de sens politique. Il a un sens, disons, notamment en relation avec des questions de filiation, où il a un sens moral, mais il n'a pas de sens politique. Le terme de légitimité fait son apparition dans la langue politique française au début du XIXe siècle pour qualifier, dans ce sens de l'impartialité, un système politique qui est prioritairement défini par le droit, en opposition d'ailleurs implicite à ce moment-là à une définition de type démocratique. Il semble que ce soit Talleyrand qui est le premier employé le terme de légitimité dans ce sens. Dans son Histoire du Consulat et de l'Empire, Thiers souligne ainsi que l'ancien prélat avait souhaité, selon son expression, représenter le droit après avoir représenté l'empereur. Sans faire pour autant confiance à la vertu de Talleyrand, la formule était parlante. Et ajoute Thiers dans son Histoire du Consulat et de l'Empire, cette représentation du droit, il l'avait définie par un mot heureux et qui avait rapidement obtenu un immense succès, celui de légitimité. La conception sociale procédurale, la plus récente, elle s'est ensuite tout simplement surimposée à ces différentes approches pour caractériser, très simplement, les régimes réglés par le suffrage universel. Donc, il n'y a pas simplement, cette typologie n'est pas simplement une typologie qui définirait des modalités différentes. Cette typologie décrit une histoire et elle décrit aussi des formes de superposition. Mais ces définitions ne dessinent pas, me semble-t-il, des figures exclusives des unes des autres. Les trois légitimités n'ont pas cessé, historiquement, de s'enchevêtrer ou de se superposer, historiquement, pourrais-je dire, et intellectuellement aussi. Même si en permanence, elles ont été en conflit et si elles ont cherché à se hiérarchiser. Outre le cadre premier d'une distinction des formes de généralité qu'elle vise à incarner, elle se recoupe ainsi sur un certain nombre de points. La légitimité des urnes et la légitimité de la raison proposent, par exemple, deux interprétations concurrentes ou parallèles de la souveraineté du nombre. Dans le cas de la légitimité qui est la légitimité sociale procédurale des urnes, le nombre, il est simplement expression banalement arithmétique. Il est quantité. Alors que le nombre, dans la vision de la légitimité de la raison, il va être d'un autre ordre. La souveraineté du nombre va être comprise comme l'unité des esprits que va traduire la notion d'évidence. C'est toute la réflexion que mèneront les physiocrates dans la lignée intellectuelle de Malebranche au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, sur la notion d'évidence. L'auteur de l'ordre essentiel et naturel des sociétés politiques, Le Mercier de la Rivière, écrit ainsi dans ce qui est le grand traité politique de la physiocratie, que l'évidence doit être le principe même de l'autorité parce qu'elle est celui de la réunion des volontés. Contrairement au suffrage, l'évidence réunit l'unanimité, alors que le suffrage, il y a toujours un manquant. L'évidence, elle est réalisation de cette unanimité qui n'est que considérée que comme un équivalent à travers le principe de majorité. Et on pourrait souligner beaucoup d'autres types de rapprochements. Le conflit contemporain entre les pouvoirs de surveillance et la démocratie électorale représentative peut être, me semble-t-il, être interprété dans ce cadre général des trois légitimités. Mais il faut en même temps comprendre que ce cadre général que je viens de tracer a été assez récemment modifié par deux facteurs politiques et sociaux essentiels. Le premier tient simplement à la nouvelle perception sociologique et politique de la notion de majorité. Cette notion de majorité apparaissait très forte quand il s'agissait de s'opposer à des formes anciennes de domination de classe ou de lutte contre un suffrage censitaire. L'idée de souveraineté de la majorité incarnait alors avec une sorte d'évidence le combat pour l'émancipation. L'expression de la majorité pouvait bien être considérée dans ce cas comme un équivalent pratique de l'unanimité. Elle correspondait à la formulation d'un intérêt plausiblement général. Les choses ne sont plus comprises de cette façon aujourd'hui. L'idée de minorité n'est plus associée à celle d'oppression. Au contraire, ce sont même souvent les minorités qui sont considérées comme les plus opprimées. Le défaut d'unanimité est donc devenu beaucoup plus sensible aujourd'hui. La référence à une légitimité de type substantiel s'impose dans cette mesure, car elle permet d'envisager la représentation de la situation des populations exclues et des groupes minoritaires. Les groupes minoritaires ne peuvent pas être représentés par la légitimation sociale procédurale, mais par une légitimation de type substantiel. C'est par ce biais que l'on peut redonner sens à l'idéal premier d'une communauté cohérente, idéal que traduit à sa façon la notion d'unanimité. On peut considérer, pour dire les choses autrement, que l'horizon régulateur que dessine cette notion d'unanimité est dorénavant articulé sur les deux formes de légitimité mentionnée, et non plus sur une seule. Un second facteur, d'ordre directement politique, conduit également à modifier les termes dans lesquels la question de la légitimité est aujourd'hui appréhendée. Il s'agit de la relativisation et de la désacralisation du sens de l'élection. Dans la théorie classique du gouvernement représentatif, comme dans la pratique, les électeurs avaient pour fonction de légitimer les gouvernants. Ces gouvernants se voyant ensuite reconnaître une capacité d'action autonome très large. C'est la théorie classique du gouvernement représentatif. Cela n'est plus véritablement le cas, pour une raison majeure. Le mandat électoral s'inscrit dorénavant dans un univers qui est politiquement beaucoup moins prévisible, c'est-à-dire dans un univers qui n'est plus structuré par des organisations disciplinées, au programme bien défini, inscrit dans un champ au clivage clairement dessiné. Il en résulte une distinction beaucoup plus prononcée que par le passé entre légitimité des gouvernants et légitimité de leurs actions. Alors que l'élection liait autrefois les deux dimensions, légitimité des gouvernants et légitimité de leurs actions. La légitimation de leurs actions est en quelque sorte contenue dans l'élection. Elle a aujourd'hui une portée plus restreinte. On peut dire que l'élection n'est désormais plus qu'un simple mode de désignation des gouvernants. La légitimité des politiques qu'ils mènent est, quant à elle, mise à l'épreuve en permanence. Cette légitimité doit être conquise jour après jour, au cas par cas. Il suffit d'ouvrir les journaux pour s'en rendre compte. D'où, là aussi, la place croissante qui est faite à une légitimité d'ordre substantiel. Le service du bien commun et le respect des valeurs fondatrices du lien social ne sont plus présupposés dérivés du fait de l'élection. Et c'est à combler l'écart entre les deux légitimités que s'emploient les pouvoirs de surveillance que nous avons étudiés. Ils ont donc acquis sur ce mode une légitimité accrue. Ce supplément contemporain de légitimité des pratiques contre-démocratiques doit être également resitué dans le cadre plus ancien de la difficulté de représenter le peuple. Si nous avons évoqué la question du statut juridique et matériel de l'expression majoritaire, il convient en effet de revenir à cette dimension plus sociologique du problème de la représentation. Dès leur origine, on l'a déjà souligné, les démocraties modernes sont traversées par une tension entre leurs principes politiques, la souveraineté du peuple, et leurs caractéristiques sociologiques, la difficulté à figurer une société d'individus. La libre expression de l'opinion publique est aussi à appréhender dans ce contexte. Elle contribue à une plus grande lisibilité du social et participe sur ce mode du travail de représentation. Le rôle de la presse, que l'on considère ici comme une modalité du pouvoir de surveillance, est fonctionnellement justifié de la sorte. Mais comment le légitimer démocratiquement? C'est-à-dire en tant qu'elle participe aussi de l'expression de la volonté générale, et pas simplement d'une façon libérale en tant que garante des autres libertés. L'idée, me semble-t-il, serait de dire qu'elle représente l'opinion publique au sens où elle en est l'organe. L'organe, c'est bien le mot et le problème. J'utilise cette notion d'organe dans le sens où Karen Malberg, à la suite des grands juristes allemands du XIXe siècle comme Jelinek, l'employait. L'organe, c'est ce qui permet de constituer ce qui n'existe pas en lui. Jelinek avait cette formule fameuse qui a fait réfléchir tous les juristes du siècle. Derrière le représentant, il y a une autre personne, mais derrière l'organe, il n'y a rien. Cette théorie de l'organe, c'est celle que les juristes allemands, puis Carré de Malberg, ont pensé déduire de leur lecture de Sieyès. Représenter la nation n'existe pas en elle-même comme collectivité. Elle ne peut exister qu'organisée. La nation, elle est en quelque sorte organisée, constituée par la représentation nationale. Donc, proposer Karen Malberg et Jelinek en relisant Sieyès, il ne faut pas concevoir de la façon un peu simpliste la représentation qui serait dérivée de la nation préexistante. C'est au contraire la représentation qui se définit techniquement comme une procédure de nomination qui ensuite constitue véritablement la nation. What you shall reap a blue day. C'était Éloge du savoir. Aujourd'hui, le Collège de France avec Pierre Rosanvallon. Réalisation Thomas Duterre. Présentation Christine Goémé. You're just a week out here. You send a big neck police friend to come cool I up. What it never works. But Jaja walk right. France Culture présente Les très riches heures de la cour de Chine 1662-1796, chef-d'œuvre de la peinture impériale des Qing, une exposition présentée du 26 avril au 24 juillet au musée des arts asiatiques Guimet à Paris. De 1662 à 1796, le règne des trois empereurs Qing Gangxi, Yongzheng et Qianlong constitue un des grands moments de l'histoire de la Chine. Pour célébrer le 5e anniversaire de sa réouverture, le musée Guimet déploie un ensemble exceptionnel de rouleaux peints, dont certains mesurent jusqu'à 16 mètres, commandes impériales uniques, formant un véritable panorama de la Chine des 17e et 18e siècles. Les très riches heures de la cour de Chine, chef-d'œuvre de la peinture impériale des Qing, du 26 avril au 24 juillet, au musée Guimet à Paris, avec France Culture. Arte et France Culture vous invitent à une soirée exceptionnelle aux ateliers Berthier pour la retransmission en direct sur grand écran le 6 mai à 20h de Hamlet, un songe, mise en scène par Georges Lavaudin. Entrée libre sur réservation au 01 55 00 73 15 01 55 00 73 15 avec le Figaroscope. Le matin, c'est la plus belle image du monde. On devrait l'encadrer. Vous êtes sur France Culture. Bonjour, votre matinée sur France Culture. 9h05, à l'occasion des 60 ans du vote de la loi dite Marthe-Richard du 13 avril 1946 pour la fermeture des maisons closes, la nouvelle fabrique de l'histoire revient sur l'histoire de la prostitution et ce matin, le grand témoin est Claire Cattonnet, prostituée. 10h, le temps des humanités s'ouvre sur le lundi de l'histoire à propos de Pierre Bell, livre de Hubert Bost, biographe du philosophe et qui sera l'invité de l'émission. 11h, fiction au feuilleton Les Mayas, roman d'une famille portugaise de Essa de Queiroz, une saga en 20 épisodes et qui a pour cadre la Lisbonne de la fin du 19e siècle, qui est à elle seule un personnage du roman. 11h30, les chemins de la connaissance, à l'occasion du 150e anniversaire de la naissance de Freud, s'aventure cette semaine dans l'inconscient pour revenir sur les 5 psychanalyses de Freud. Premier cas, Dora et sa petite toux, analyse d'un fragment d'hystérie avec Marie-Hélène Brousse, psychanalyste. Et tout de suite, les matins de France Culture se lèvent avec Ali Badou. Bonjour à tous et bienvenue dans les matins de France Culture. Au programme de cette émission du 1er mai, 7h20, comme chaque jour, les enjeux internationaux. Aujourd'hui, à l'heure de la présidentielle, le Tchad dans un contexte interne et régional mouvementé avec Claude Vautier, spécialiste de l'Afrique au micro d'Éric Laurent. Et puis à 7h40, notre invitée sera Dominique Méda. Elle est sociologue et chercheuse au Centre d'études de l'emploi. Elle publie avec Alain Lefebvre un essai passionnant. Faut-il brûler le modèle social français? Question provocatrice, peut-être même choquante. D'ailleurs, le 1er mai, le jour de la fête du travail, quelques heures à peine avant les défilés syndicaux à Paris et en province. Défilé qui rappelle chaque année la tradition des luttes ouvrières et la conquête des droits des travailleurs. Contexte particulier, évidemment, cette année, après les très importantes mobilisations contre le CPE. Le marché de l'emploi va mieux, c'est ce que déclarait jeudi dernier Jean-Louis Borloo en rendant public les chiffres du chômage. Baisse sensible du nombre de demandeurs d'emploi en France au mois de mars, effet évident du contrat nouvelle embauche, se félicitait encore le ministre de la Cohésion sociale. CNE dont les syndicats demandent aujourd'hui l'abrogation après celle du CPE. On ouvrira tout à l'heure le débat autour des grands équilibres sociaux à l'époque du chômage de masse et du développement de la précarité. Alors comment tenir la balance entre les intérêts des entreprises en termes de flexibilité et la sécurité des salariés? Comment redéfinir l'État-providence? Que peut nous apprendre la comparaison avec les autres pays européens, notamment ceux du Nord? Autant de questions donc qu'on posera à notre invité à 8h-20. Ce sera Dominique Méda. Vous écoutez France Culture, il est 7h. Et le premier journal de ce matin du 1er mai nous est présenté par Jean-Louis Crimon. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Défilé en ordre dispersé contre la précarité, le CNE en ce 1er mai 2006. Après deux mois d'une bataille unitaire sans faille, les principales confédérations ont choisi de ne pas lancer d'appel commun à manifester. En province, pourtant, les cortèges afficheront un caractère unitaire. Explication dans un instant, Marie Viennot. L'affaire Clearstream continue de prendre de l'ampleur. Les appels à la démission du Premier ministre et à une élection présidentielle anticipée se sont multipliés hier dimanche. L'ancien ministre socialiste Dominique Strauss-Kahn dénonce un Watergate à la française et François Bayrou parle d'une fin de règne au spectacle affligeant. Interview de Dominique Strauss-Kahn et de François Bayrou dans ce journal. Les portes de l'Ouest européen s'ouvrent en ce 1er mai davantage aux travailleurs des nouveaux États membres. La mesure qui entre en vigueur aujourd'hui concerne une soixantaine de métiers et sept secteurs d'activité où, en France, nous précise le ministre des Affaires étrangères, la demande en personnel dépasse l'offre. Reportage en Pologne, Anne-Laure Barral. Enfin, la disparition de Jean-François Revel, éditorialiste, philosophe et académicien. Le président Jacques Chirac a rendu hommage à un philosophe engagé, gardien exigeant et vigilant de la démocratie. Hélène Carrère-Dancos salue la disparition d'un ami, d'une culture incomparable et d'une lucidité politique extraordinaire. Vous l'entendrez à la fin de cette édition. Un 1er mai sous le signe du combat contre la précarité et le CNE, après le CPE, le CNE, le contrat nouvelle embauche. Une centaine de défilés sont annoncés aujourd'hui dans toute la France pour cette journée internationale des travailleurs. Paradoxalement, moins d'un mois après le retrait du CPE et une bataille syndicale unitaire exemplaire, les grandes confédérations ont choisi de ne pas lancer d'appel commun à manifester. En province, cependant, de nombreux cortèges revêtiront un caractère unitaire. Et si l'an dernier les mots d'ordre furent dispersés, le traité constitutionnel européen avait divisé les syndicats, cette année le thème unitaire sera sans problème celui de la lutte contre la précarité. Marie Viennot. Après plus de deux mois de combat intersyndical contre le CPE, la précarité va être en vedette encore en ce 1er mai. Les manifestations seront sans doute moins massives, elles seront moins unitaires également, mais comme elles s'organisent localement dans quelques villes, en Normandie et Rhône-Alpes notamment, il y aura des défilés comprenant tous les syndicats, hormis la CFE-CGC qui ne défile jamais le 1er mai. À Paris, on compte une dizaine de cortèges. La CFDT ne défile pas en Ile-de-France, mais la CFTC et FO défilent chacune de leur côté, tandis que la CGT, l'UNSA, Solidaire, la FSU et l'UNEF uniront, elles, leurs forces derrière une banderole indiquant « Stop à la précarité, sécurisation des parcours professionnels, emploi, pouvoir d'achat ». La précarité sera également au centre d'un défilé festif et non syndical, le May Day, lancé il y a 5 ans par des précaires italiens qui trouvaient que les syndicats ne prenaient pas en compte l'évolution du salariat et la montée de la précarité. Cette manifestation a depuis fait boule de neige. Une vingtaine de May Day sont organisées en Europe et aux États-Unis. Le but, faire du 1er mai la fête des précaires et des travailleurs d'aujourd'hui. Et ce May Day se déroulera aujourd'hui notamment à Amsterdam, Barcelone, Berlin, Copenhague, Helsinki, à Liège, à Londres, mais également à Los Angeles, à New York, et encore à Milan, à Naples, à Séville et à Stockholm. Au sujet de l'affaire Clearstream, l'ancien ministre socialiste Dominique Strauss-Kahn a évoqué dimanche soir sur TF1 une sorte de Watergate à la française, déclarant attendre que des décisions soient prises dans les prochains jours. Le porte-parole du Parti socialiste, Julien Drey, a demandé solennellement à Jacques Chirac de prendre ses responsabilités pour mettre un terme à la crise d'État. Et de son côté, le président du groupe UDF à l'Assemblée nationale, Hervé Morin, a évoqué l'idée d'une élection présidentielle anticipée. Les appels à la démission démission du Premier ministre continue de prendre de l'ampleur. Ils se sont multipliés tout au long de la journée de dimanche. En cause, vous le savez, les informations révélées vendredi dernier par notre confrère Le Monde. Informations selon lesquelles Dominique de Villepin aurait, sur instruction du président Jacques Chirac, en janvier 2004, chargé le général Philippe Rondeau de vérifier des rumeurs, aujourd'hui infondées, sur des comptes occultes détenus à l'étranger par